Bonjour, samedi 27 novembre 2021. J'ai eu quelques petits problèmes lors d'un des derniers chats. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais là, j'avais un problème au niveau de la diffusion, c'est-à-dire que le son n'était pas correct. Il y a quelque chose qui se faisait mal. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que mon micro était défectueux. Non, ce n'est pas le cas. Tout, rien, bonsoir. Donc là, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des petits bruits là, à cause de mon fil. Parce que quand je suis assis ici, j'ai de la difficulté à. Il faut que je bouge un peu le micro. Merci, merci à vous. Sozo, Sozo. J'ai eu un siamois il y a longtemps. Ben, il y a longtemps, il y a quelques années, qui s'appelait Enzo. Je l'appelais Zozo. Hello, Camille. Donc, par rapport là. À ce qui se passe en ce moment ou ce qui se passe pas, est-ce que il y en a qui ont des sujets parce que j'avoue que j'en ai pas. J'ai pas de sujet comme d'habitude, j'ai aucun sujet. Bonjour, Lindus. Étant donné que nous n'avons pas de libre arbitre et que le hasard n'existe pas, peut-on dire que tout est déjà écrit? Alors, eh bien non. Parce que le libre arbitre n'existe pas au sens psychologique du terme, mais il y a la possibilité de devenir créatif, ce qui est une forme de libre arbitre, mais non psychologique. Allô, quelles sont les races racines? Les races racines, c'est des humanités, ça correspond à des airs. Comme par exemple, même si je peux pas dire que je crois exactement à certaines choses qui ont été dites, on peut dire que, par exemple, la quatrième race racine, c'était l'ère des Atlantes, même s'il y avait d'autres races sur Terre. Ça correspond à une humanité d'un temps. Donc, même si en ce moment, il y a des gens de différentes races sur Terre, ils sont tous de la même race, soit la cinquième race racine. Donc, ça correspond à des heures, même pas des heures, des temps, des cycles. Donc, ah, mon tonkinois s'appelle Mathurin. Ah bon. OK. Bonsoir Marie-Pite. Tout rien, comment fait-on pour devenir créatif? C'est là qu'il y a un problème parce que c'est pas lié à un mouvement de l'ego. Dans le sens que les gens vont pas devenir créatifs parce qu'au niveau d'un corps de désir, ils veulent être créatifs. Ils vont devenir créatifs au niveau d'une intégration de l'expérimental, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sortie de l'expérimental, c'est-à-dire que les processus habituels d'intégration par le psychologique deviennent inutiles parce qu'il y a quelque chose, une objectivité qui s'est créée en dehors de l'ego psychologique habituel. Et c'est là que les gens, après une période de transition, vont entrer dans une certaine créativité. C'est-à-dire qu'au lieu de subir les événements, ils commencent à les voir pour ce qu'ils sont, à avoir plus leur vie en contrôle, si on peut dire. Peux-tu nous parler des ombres tridimensionnelles qui se déplacent rapidement, restant d'une race racine? Ben ça, j'avoue, je ne l'ai pas expérimenté. Ce n'est pas quelque chose que je connais au niveau de moi-même, là, que je n'ai pas expérimenté moi-même. Mais nous avons des échos de ça partout. Notamment en Afrique, ici les Autochtones aussi ont eu des rapports avec ça, des gens très très sensibles aussi, même ça m'a déjà été parlé par des espèces de hippies là, qui avaient pris de la drogue dans le temps. C'est quoi la manifestation d'une sphère avec du liquide dedans? Bon, ça on peut parler d'une intelligence qui se densifie puis qui a rapport avec des interplaneurs, c'est-à-dire si vous voulez des extradimensionnels. Habituellement, ça se produit dans des lieux où il y a des anomalies magnétiques. Puis ces êtres-là, c'est très difficile d'en dire quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup de censure au niveau des gens, là. Mais moi, j'ai déjà demandé c'est quoi ça? Puis on me le dit pas, c'est comme pas de mes affaires. Je sais juste que c'est dangereux. Puis que ça bouleverse les corps magnétiques, c'est-à-dire que ça peut engendrer des psychoses carrément chez les gens qui en approchent. Puis ça, c'est par des témoignages, là. Donc, c'est quoi la manifestation? Bonjour, mystère guerrière. Courir après un contact avec l'esprit, n'est-ce pas s'installer dans une relation verticale avec les plans? Mais souvent, ça va venir de quelqu'un d'autre ou d'un tiers ou au niveau d'événements dans la vie. C'est-à-dire que ça va pas être nécessairement au niveau d'un corps de désir. Les gens qui veulent à tout prix, mais de toute façon, les gens ont des contacts avec l'esprit, c'est juste qu'ils le savent pas. C'est là où c'est paradoxal. Bonsoir, Omega Or, Virginie. Bonjour. Donc, tout le monde a déjà eu des contacts, pas nécessairement avec l'esprit, mais tout le monde a eu de l'information qui venait pas de processus réflexif psychologique de l'ego. Tout le monde a des expériences avec ça, même les gens très terre à terre. Sur Terre, nous sommes limités temps action. Donc, nous avons un nombre de scénarios de vie potentiels limités. Or, la vie est limitée, donc il existe une intelligence capable de prévoir. Quel sera le trois petits points? C'est que il y a des êtres qui sont capables de se déplacer dans le temps comme si c'était de l'espace. Et étant multidimensionnel, l'être humain a des parties de lui qui transcendent ça. Donc, peux-tu nous parler des Melchisedec? Ça, j'avoue que je sais que c'est un niveau d'intelligence qui est lié à un ajustement sans faille dans le sens. Si vous voulez, du jugement, mais aussi de l'autorité. Il semblerait que ce soit carrément un type d'être, mais là, moi, je suis pas rendu à. C'est assez intéressant, pareil, là, mais je sais que c'est lié à de l'autorité. Les seules fois où j'ai eu des choses par rapport à ça, c'était lié à de l'autorité. Donc, scénario de chaque personne. Qu'en penses-tu, rien? Si je me mets à penser quelque chose, je vais me taire en me disant que je dis n'importe quoi puis que je suis un fou. Si je me mets à penser que j'ai pas le temps de t'écouter, mais bon live quand même, merci. Quand j'étais jeune, j'ai souvenir d'avoir découvert en forêt un œuf noir et comme irisé, qui se déformait un peu comme du pétrole. Une idée de ce que c'est? Non, pas du tout. Non, j'en ai aucune idée. Il aurait fallu subtiliser cette chose-là. Et puis, il y a une chose, moi je vous conseille, quand vous tombez sur un phénomène anormal, puis que c'est physique, je vous suggère d'essayer de l'échantillonner, de le prendre, puis de le mettre dans une boîte. Ou si vous avez affaire à des créatures réellement anormales ou des phénomènes anormaux, je vous suggère de ne pas avoir peur et de faire tout votre possible pour essayer de capturer ou essayer le plus possible de toujours essayer au niveau d'une façon, comment je pourrais dire ça, d'être scientifique, entre guillemets, d'être dans la vérification. Parce que les gens sont trop subjugués par leur expérience, puis à cause de ça, on perd beaucoup de. C'est difficile de rentabiliser l'expérience humaine, puis c'est là qu'on est à la remorque de l'expérimental. Donc, d'être plus. De pas avoir peur, puis s'il faut. Mais là, c'est vrai qu'il y a certaines choses, si vous touchez ça avec vos doigts, ça peut peut-être être dangereux. Donc, l'ajusteur de pensée et l'esprit. La différence. Ah, ben, il y a toute une différence. L'esprit, ça, c'est au niveau. C'est en dehors de toute forme. Hein. C'est au niveau de la source de votre propre intelligence. Dans le sens que c'est lié à votre propre intelligence, mais c'est quelque chose d'universel. Tandis que l'ajusteur de pensée, le mot le dit, c'est quelque chose qui va ajuster la pensée, qui va filtrer la pensée, puis qui est lié à une sorte de guidance au niveau expérimental, puis de votre pensée. Donc, c'est ça la différence. L'ajusteur de pensée n'est pas de l'intelligence universelle autant que l'esprit. C'est plus un corps intermédiaire par lequel, un peu un filtre, un peu, si vous voulez. Bonjour, Mathieu. Donc, oui, ben c'est ça. Si vous tombez, comme je disais, là, sur des choses réellement anormales, comme des petits objets qui ont un comportement anormal ou des petites créatures anormales, ça peut peut-être paraître irresponsable de ma part, mais c'est du cas par cas. Mais je vous suggère réellement d'essayer le plus possible de l'échantillonner. S'il faut, là, de mettre ça dans une petite boîte. Puis, si vous avez un réseau de gens qui s'intéressent à ces choses-là, il va peut-être devenir plus facile de faire des analyses ou aussi à analyser quelque chose. Vous savez ce qu'on a appelé les cheveux d'ange? Il y avait à un moment donné, il y a eu une vague d'événements et il y avait souvent ce qui se produisait, quelque chose qu'on a appelé des cheveux d'ange. C'est-à-dire, il y a des espèces de petits fils. Comme d'une espèce de substance un peu aqueuse, mais solide, qui se formait dans l'air puis qui tombait. Puis il y a des gens qui ont eu l'intelligence, c'est très rare, là, dans tout, parce que ça arrive quand il y a non seulement des phénomènes ufologiques, mais même des apparitions martiales, des choses qui n'ont rien à voir habituellement, ben, qu'on catégorise comme autrement. Pourtant, ces événements-là semblent engendrer des choses semblables. Puis les filins d'ange, les cheveux d'ange, les gens qui ont réussi à en prendre puis à les mettre dans des contenants pour essayer de les faire, ça s'est liquéfié. Mais il faut fermer ça tout de suite parce que c'est très volatile. Il semblerait que ça s'évapore rapidement. Mais si ça vous intéresse là, de savoir que justement l'éther au sens où moi je le parle, que ça peut se densifier, que ça a un poids. Donc, il y a possibilité, là, ça serait intéressant de retourner à essayer d'analyser des choses comme ça, parce que les gens se sont désintéressés de certaines choses. Et la science, entre guillemets, est bloquée, parce qu'il y a plus, on n'a pas d'échantillon. Je n'ai pas pu l'échantillonner parce que j'étais dans un état second. Je me suis réveillé chez moi. Ah, ben là, souvent, il y a ça, là. C'est pas nous que c'est ça que je veux dire par c'est pas nous hein, qui au niveau de l'expérience là, souvent là c'est qu'il y a quelque chose de on nous sommes manipulés si je puis dire. L'ajusteur de pensée est une moustache, l'esprit non. Je sais pas là, on peut-tu appeler ça du troll là? Parce que non là. Franchement, je vous trouve pas drôle. Moi aussi, je voudrais avoir des clarifications par rapport à l'esprit, le contact, le double ajusteur de pensée. Je pense souvent des commandes pour égaliser nos émissions et éduquer mon ajusteur. L'affaire, c'est que c'est des vieilles formes que Bernard a tout dit ça. Même Daniel Kemp en a parlé beaucoup. Je veux dire, j'ai l'impression un peu de chiquer des vieilles guenilles, là, à parler de ça. Il faudrait en parler autrement, on trouver des nouvelles formes. Mais le contact avec l'esprit, ça date pas de. C'est que c'est un vieux phénomène, là. Voyons, il y a des. Il y a eu beaucoup. Même si c'était spiritualisé, les mystiques avaient des contacts avec l'esprit. On peut pas écrire comme certains textes auxquels on a encore accès, qui sont assez anciens, sans avoir un contact avec l'esprit. Il y a aussi des filaments. Oui, moi, mais c'est autre chose, c'est pas la même chose. Là, c'est que pas du tout la même chose. Il y a aussi des. Bon, la relation confrontationnelle avec les plans peut-elle se faire à travers le sarcasme, l'ironie, du mal à être en colère malgré des situations terribles? Je sais pas, ça prend vraiment une certaine colère vibratoire, puis le sarcasme, puis l'ironie, c'est intellectuel. Donc, je sais pas, là. Lors d'une initiation, l'ego est dans les mains de l'esprit qui ajuste ses corps constamment. Peut-on dire que l'homme est une machine qui marche? Non. Non, parce que l'homme est multidimensionnel. Donc, une machine qui marche. Mais l'affaire, l'esprit qui ajuste ses corps constamment, l'esprit, c'est un petit peu trop en dehors. C'est un petit peu trop. Non, je dirais pas l'esprit. Il y a des choses intermédiaires, là. L'esprit, c'est un petit peu pas mal informel puis universel pour venir à bout de faire des choses comme ça. Par contre, ça peut mettre en branle certaines mécaniques. Ça va être un carburant, si vous voulez. Donc, comment expliquer que certaines élites ne voient pas le karma qui les attend parce qu'ils n'ont pas nécessairement. Ils accomplissent un mandat qui est le leur. Ça, là. Il va falloir un jour déspiritualiser l'histoire de karma puis de justice. Parce que là, on est quasiment dans des affaires comme la justice divine puis la providence. Puis malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis non, vous allez voir du monde accomplir des choses terribles, puis pourtant, ils n'auront jamais de trouble, et même une fois à l'autre bord, même s'ils sont bloqués au niveau évolutif, ils ne souffrent pas. Donc, l'affaire, là, de penser qu'il y a une justice divine, puis un karma, puis une providence, un jour, il va falloir sortir de ça parce qu'il y a une naïveté là-dedans. C'est pas, je suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est correct, là. Mais justement, certaines élites ont une éducation élitiste, c'est-à-dire qu'ils ont accès à certaines choses que la masse n'a pas accès. Donc, ils sont moins naïfs souvent. C'est dommage à dire, là, mais à savoir à qui je m'adresse pour une collaboration événementielle des vieilles guenilles. Je suis d'accord et ça me fait rire. Bon, OK. Y a-t-il de la vraie bonté sur Terre? Oui. Ben oui. Le mal semble tellement honnête et le bien tellement astral. Ben, le mal honnête. Mal honnête, voyez là, le jeu. Pense pas que le mal soit si honnête. Le mal est déterminé, puis naturel. Il semble naturel dans notre monde. Il vient souvent naturellement. Donc, c'est pas pour rien qu'au niveau de l'éducation, il va falloir, vous savez, essayer de rendre qu'au niveau de l'éducation, d'essayer de transmettre le bien, c'est beaucoup plus difficile qu'un mal qui se fait naturellement, qui s'installe naturellement par les influences. Donc, un mal honnête, ça, c'est malhonnête. Ça peut pas faire autrement. Ce qui est intéressant, c'est quand les événements sont surprenants, des surprises. Oui, j'avoue que je suis un peu tanné des surprises. Bon, on devient moins surpris. Il y a des surprises, mais on n'est pas obligé d'être surpris. C'est ça là, que je dirais de ça. L'affaire, le mal honnête. Là. Pour le karma, c'est toi qui disais que, ben oui, j'ai pitié. Mais pas parce qu'ils vont souffrir épouvantablement au niveau d'une justice divine. Et de ce qu'ils enregistraient, ben oui, c'est sûr. Mais le fait un jour d'être obligé d'intégrer le fait que, puis d'avoir, entre autres, être obligé de vivre ça à travers du psychologique, c'est pas vraiment une justice divine karmique, là. Le karmique, pour moi, c'est une loi de conséquence. Ces gens-là me font pitié. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme quelqu'un d'handicapé, si vous voulez. Extrêmement handicapé. Ça veut pas dire qu'il va être puni par le divin, là. Au contraire, le gars, il va bien s'en sortir, puis il s'est caché plein d'argent, puis vous allez voir, il va avoir une belle retraite, puis sa femme, là, la nénuche, là, elle l'admire donc là, depuis le jour qu'elle l'a vu, là, qui était pas plus petit qu'elle, en servant du serveur là, comme mesure, là, puis on a affaire à du monde superficiel. C'est pas parce que moi je trouve qu'ils font pitié qu'eux le savent. Ça n'a rien à voir, là. Donc, ben oui, ils font pitié. C'est certain qu'ils font pitié. Un peu comme un enfant handicapé, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne veut pas dire qu'il est malheureux ou qu'il va être malheureux. C'est certain qu'il va avoir de la souffrance psychologique, puis il va avoir. Mais à part ça, il n'y a pas de quoi. C'est pas super, là. Je dois quitter, je m'en vais explorer le lac Kertel. Près du Mont Saint-Hilaire. Mais j'aimerais bien savoir quand on. Attendez là. Mais j'aimerais bien savoir quand on souffre d'une condition, il faut souvent établir nos conditions. Bon, je pense que ça nous conditionne. Juste, on se fait conditionner. Donc, qu'est-ce qui établit? Éduquer une contrepartie de nous-mêmes? Non, ça non plus. Parce que là, c'est plus l'éducation au sens où on l'entend. C'est toujours l'ego hein, qui se fait travailler, puis qui est dans l'illusion de bon. S'ils ne sont pas conscients, n'ont-ils pas le choix de faire ce qu'ils font? Ben, c'est pour ça que je n'ai pas de haine tant que ça. Ils font ce qu'ils pensent normal, naturel et le plus intelligent à faire. Puis c'est un instinct animal de préservation quelque part. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit que tout le monde a un prix, parce qu'ils pensent que tout le monde est comme eux, non? Est-ce possible d'avoir une définition claire de la différence entre le double et l'ajusteur de pensée? Moi, mes yeux, c'est la même chose. Ça revient au même. Donc, j'ai du mal avec la notion de karma vu que l'individu n'a pas de libre arbitre. C'est ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est une loi de conséquence mécanique. C'est pas lié à de la justice au sens où on l'entend. Surtout quand l'individu commet des atrocités sous influence astrale. Oui, mais il va y avoir un consentement tacite, inconscient, mais est-ce que c'est un consentement à ce niveau-là si c'est inconscient? Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est plus subtil que ça encore. C'est quoi la culpabilité? Vu des plans, c'est complètement autre chose. Un genre de mal semble s'assumer complètement et venir d'une solide connaissance des plans. Ils ont un mandat, par contre, beaucoup de missionnaires sont complètement illusionnés. Ben oui. Mais comment je pourrais dire ça? C'est plus les marionnettistes que je considère comme très, très connaissants. pas les exécutants, pas tant que ça. D'où la pitié que je peux avoir, là. Ça fait dur, là. Surtout, regardez Marguerite Blais. Avez-vous pensé comment cette femme-là s'en souffre psychologiquement? N'importe quoi, là, se rend compte. C'est juste qu'elle a peur. Je me suis mis fortement en opposition à la manipulation astrale et par la suite, j'y ai goûté comme un camion de 1000 tonnes qui m'aurait écrasé sur place, un adversaire de taille. Ah, c'est étrange, ça. J'ai jamais eu de retour à ce point-là. Puis, il y a une fois, à un moment donné, je parlais, j'essayais un peu d'enlever de l'importance à l'astral. J'ai passé toutes les semaines d'après à subir des événements qui tentaient toujours à me. C'est comme si l'astral voulait se montrer à tout prix, genre, nous existons, on existe, c'est là, c'est présent, c'est fort. Ça contrôle tout. Les semaines où j'ai voulu parler de l'astral, ça fait longtemps, ça fait quelques années, en lui enlevant de l'importance, en disant que c'était même pas important d'en parler, ben là, je me suis fait approcher par les gens les plus astralisés que j'ai connus. Puis c'était bien. Iso prétend que le double est une part de nous et l'ajusteur est un être jamais incarné qui n'a rien à voir avec nous. Le double est une entitisation de la lumière. Dans le sens que pour que votre propre intelligence, qui est pas psychologique, prenne un certain contact, il va falloir créer une densification intermédiaire. Donc, à mes yeux, c'est certain que ça ne peut pas s'être incarné. Ça s'incarne au moment où il y a un contact avec vous par procuration. Bon. Mais ta définition est plus simple. Ben, c'est sûr, c'est pas vraiment une définition. Je veux dire, ces choses-là, je les réfléchis pas. On va pas commencer à faire des thèses, puis à faire, sinon ça va finir avec des doctrines, puis bon. Qu'est-ce qui explique que le syndrome de Stockholm soit si fort au Québec? Ben, les Québécois sont immatures en tant que peuple, comme beaucoup d'autres. Ils ont besoin d'être aimés puis de se valoriser. C'est des failles psychologiques collectives. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux types d'humanité qui, avec le stress des événements, réagissent différemment à qui se reconnecte à lui. Attends, une qui se reconnecte à lui-même et l'autre qui s'animalise de plus. Oui, c'est normal. Mais même là, il y a probablement un dégradé plus subtil que ça. Il doit y avoir des intermédiaires entre ces deux extrêmes-là. Ah, puis il y en a qui vont passer d'un à l'autre. En fait, le karma, c'est de l'amoncellement expérientiel des schémas, blessures, et qui crée des conflits et guerres entre les égos à travers des incarnations. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a pas, la mémoire va pas jusqu'à ce point-là. Dans le sens que je pense pas que si je me chicane avec mon voisin aujourd'hui, c'est nécessairement une réminiscence d'une chicane dans une autre vie. À ce niveau-là, non. Il y a l'ajustement de pensée, l'ajustement psychologique. Ce sont des mécanismes à développer en accordant nos corps astral double actuel pour la plupart. Amique, vital, physique et mental. L'affaire, c'est que le corps astral est une entitisation mémorielle. C'est une densification informationnelle rattachée à de la mémoire expérimentale, donc je ne le vois pas de la même façon, là. C'est de l'énergie magnétique aussi. Donc, qu'est-ce qui départage ceux qui ont vu clair dans les premiers jours et que certains ne voient toujours pas et ne verront jamais. Ben, c'est de l'intelligence, de l'objectivité. L'objectivité, la capacité de voir sans. Quand vous voyez quelque chose puis que vous n'êtes pas porté à le rationaliser, que vous le voyez pour ce que c'est parce qu'il y a une certaine absence de peur. Donc, les gens qui ont plus de vécu, qui ont plus souffert, vont être plus objectifs, alors que d'autres qui ont beaucoup souffert, vont justement, vu qu'il y a des blocages au niveau de la mémoire, ils vont être portés à rationaliser par peur de souffrir, mais c'est une peur inconsciente. Donc, oui, dès le début, Ah non, on savait ce que c'était, mais aussi parce qu'on était jusqu'à un certain point instruit et informé de comment fonctionnent certaines choses dans le monde. Donc, on s'attendait à ça. On avait été prévenu de ça, qu'il y allait avoir un forçage de vaccins, que ça allait passer par des vaccins. On le sait depuis les années 90, il y a eu des fuites. Donc, au niveau d'une programmation, ça veut dire que bon. Merci pour. Ah, ben de rien. Suis-je juste de voir l'infiltration de l'astral dans tout? On baigne dedans. Ben oui, ça en prend. Il n'y a pas de possibilité de rentabiliser l'incarnation sur Terre s'il n'y a pas cette cinquième dimension-là, si je peux dire, comme dirait M. Sapourin. Ce qu'on pourrait appeler l'âme collective, c'est un peu ça l'astral. C'est la mémoire enregistrée dans l'âme collective. Quelqu'un peut venir m'annoncer son départ, son décès. De qui? Le karma, c'est de l'énergie mémorielle qui appelle à être dissoute. Oui, mais ça se réactualise tout le temps, surtout une force. C'est autre chose qui appellerait une dissolution, je dirais. Bonjour, Lorraine. Lorraine. Je ne sais pas comment vous prononcez. Comment convertir la colère psychologique en colère vibratoire? Ben ça se fait d'une façon autorégulée. Ça prend un certain temps. Mais c'est surtout de. Si vous êtes capable d'observer objectivement que souvent vos émotions puis les mises en vibration émotive nuisent et dissipent de l'énergie, drainent de l'énergie, vous allez commencer à pouvoir. Ça va commencer comme ça souvent. Les dauphins. Peuvent-ils fusionner avec leur esprit? Ben, comment voulez-vous que je réponde à ça? Je ne le sais pas, puis je m'en fous. Franchement, là, je ne le sais pas, peut-être, pourquoi pas. Pour rigoler, ma sœur m'a demandé de rédiger mon testament car je ne vois pas l'intérêt de me faire injecter. Ben là, pourquoi pas rédiger son testament de toute façon, là, peu importe. La seule certitude que vous pouvez avoir, c'est celle que ça, bon, hein, que vous soyez inoculé ou pas, à un moment donné, il va servir quand même, à moins qu'il n'y ait plus d'héritier. Le contact ne peut être effectué à partir d'un ego. Les forces qui régissent la conscience viennent quand l'élève est prêt. L'ego ne peut invoquer aucune force venant. Oui, il y a une différence, là. C'est pas un mouvement qui vient de l'ego, mais ça prend un ego, là. Parce qu'il faut être incarné, puis dans le plan matériel, pour qu'il y ait une fusion. L'ego est une lentille qui va densifier ça. Puis qui va. Donc, le contact ne peut être effectué à partir d'un ego. Ça ne sera pas un mouvement qui vient de l'ego. Ça va venir d'en haut, comme on dit. Ça va venir de d'autres structures. Mais ça prend un ego. Ça ne peut pas se faire en dehors d'un ego non plus. Donc, ça prend ça, là, ça prend, il faut être incarné. Mon petit-fils de 16 ans, il est au bout de mon lit et j'ai crié. Si tu souffres trop, pars. Pourtant, il allait mieux la veille. Hein? Et je vois pas, c'est spécial là, que la situation que vous décrivez en peu de mots. Votre petit-fils, il était au bout de votre lit, puis vous avez crié, si tu souffres trop, pars. Pourtant, il allait mieux la veille. Marco Vachon, pourquoi devons-nous subir les conséquences de l'immaturité du collectif? Pourquoi suis-je pogné dans ce groupe cheminement particulier? Voyez-vous le fait, là, de subir ça, le fait d'en souffrir, puis tout, ça va engendrer de plus en plus, ça va accélérer l'individuation et l'individualisation. Donc, c'est un processus qui se fait par de la souffrance, désolé. Puis, ça va finir par brûler de la souffrance psychologique. Dans le sens que plus vous allez souffrir du collectif, plus vous allez vous individualiser. Puis, à un moment donné, vous allez vous individuer jusqu'à ce que vous ayez tellement une identité puis un centre fort que vous ne souffrirez plus de l'expérience collective en tant qu'individu. Donc, c'est un processus qui peut sembler terrible, mais pourtant, j'ai pas vu ça autrement. Donc, OK, il est venu me voir avant son décès. Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que les gens qui vibrent beaucoup à une grande souffrance, vont tout d'un coup parfois acquérir des capacités télépathiques. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences semblables quand il se produit des événements traumatiques dans la vie d'un proche. Puis il y a plus de facilité pour la télépathie entre des gens qui s'aiment beaucoup, qui s'aiment très fort, même juste psychologiquement, ou même la souffrance va engendrer certaines capacités. Puis s'il y a des mécaniques, on pourrait dire de survie, mais aussi de... Ça devient subtil, là, mais si vous lisez par exemple beaucoup sur les phénomènes de télépathie qui sont rapportés, il y a souvent des gens, par exemple, des gens très proches. Comme j'ai donné un exemple autrefois d'un petit garçon là, qui s'était blessé avec sa bicyclette, puis la mère l'a su tout de suite. C'est parce que les âmes sont liées. Il y a une proximité d'âme, si on peut dire. Donc, il va y avoir, si vous voulez, une transmission à travers ce qu'on pourrait appeler une cinquième dimension. Puis, l'ego doit être assez fort pour supporter le contact, car celui-ci doit percer à travers le canal réincarnationnel corps astral âme afin de constituer le corps mental en convertissant l'énergie. Faut que je relis ça. L'ego doit être assez fort pour supporter le contact. Oui, mais de toute façon, il va y avoir une épuration de l'ego. Je veux dire, ce que l'ego n'est pas assez fort, ça va se casser dans l'ego. Donc, ça dépend, là. Je trouve intéressant d'observer comment ma mémoire a changé. Les informations n'arrivent plus toujours de la même façon. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de certains corps subtils, là, il commence à y avoir. Ben oui, moi, ma mémoire est rendue tellement. Que des fois, je lis le début de quelque chose, puis je suis obligé de recommencer parce que quand j'arrive à la fin, je me souviens plus du tout. En convertissant l'énergie vitale provenant de la friction avec l'ego. Moi, la friction, jusqu'à un certain point, ça va être assez souvent une friction expérimentale. Mais c'est par de la souffrance souvent que bon. Mais il y a toujours deux chemins. Soit vous allez accumuler de la mémoire affective traumatique qui bloque de l'énergie, soit des structures vont se détruire, puis de l'énergie va se libérer. Puis, on dirait que c'est une question de maturité. Merci, on avait beaucoup, beaucoup de complicité. Ben oui, voilà. La mère de mon père, elle avait des contacts comme ça avec mon père, avec moi, avec une de ses filles, parce que justement, c'était une personnalité très spéciale. Puis, il y avait des télépathies là, qui s'opéraient. Puis on avait même. Quand mon père avait des problèmes, il recevait un appel de sa mère. Puis là, elle était au bout de la ligne, bien bête. C'était une femme ben, avec une grosse personnalité. Puis elle disait, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'as là? Elle sentait à l'autre bout que ça n'allait pas. Le processus d'individuation, c'est bien beau. C'est quoi l'avantage à l'extérieur de la situation? Je peux m'améliorer à l'eau froide, mais. J'ai peut-être d'autres objectifs. Ben oui, mais si tu as un corps de désir, ils vont vous défaire ça, là. Vos objectifs s'en foutent, là. Ça sent l'intelligence, ils se foutent de notre petite intelligence psychologique, là. C'est là que. Puis aussi, peut-être des fois, de pas trop s'attacher à certains objectifs pour pas trop en souffrir. On peut les poursuivre quand même, là. Ça n'empêche pas de. Comment on fait pour travailler intellectuellement quand notre mémoire se met à faire défaut? Ah ben là, c'est d'être capable de fermer certaines parties de vous puis d'en réactiver d'autres. Mais c'est à force d'essayer, on finit que ça marche. Quel est le plan occulte lié à la vaccination? Ben là, il y en a plusieurs. Tous les plans sont occultes, même le plan matériel. Tous les plans sont occultes. Ici, c'est la mémoire des liens familiaux qui brûle. Je vois des liens se recomposer. Ah. Ben, vous savez, des fois, dans une famille, si vous réussissez à régler certains conflits, il y a des faux liens subjectifs qui se défont, puis il y a des vrais liens objectifs qui se construisent. C'est plus harmonieux, puis. Quelle est la différence entre quelqu'un de mandaté et quelqu'un de missionné? Un missionné, là, ça va être au niveau astral, puis ça va être au niveau d'une conviction subjective psychologique. Tandis que quelqu'un mandaté, c'est lié à un plan d'incarnation, c'est lié à un plan de vie. Que dirais-tu d'une cause commune avec l'intelligence, amour et volonté. Ben, je sais pas, je suis pas au courant c'est quoi la cause. Attends, là, que dirais-tu d'une cause commune avec l'intelligence, amour et volonté? Ben, il y a toujours une cause commune, ça dépend ce que vous entendez par cause. Bonjour, merci pour m'avoir accordé l'ajout. Ah, je sais pas de quoi vous parlez. Bernard a déjà mentionné le Québec est entre la vieille dame, l'Europe et le géant États-Unis. Le Québec est stratégique. Ben oui, le Québec a un mandat transitoire. Et les Québécois sont transitoires, c'est des êtres transitifs en tant que peuple. C'est très étrange, là. C'est un peu comme le variant mu, là, qui dans le phénicien veut dire de l'eau. C'est transitif. C'est comme une rivière. C'est justement parce que je suis individu et que je souffre. Des fois, j'aimerais être plus naïf. Je suis la dame qui sait qu'elle va à l'abattoir, mais j'y vais quand même. Ben oui, mais il y a encore. Vous savez, là, quand vous dites je suis individu, que je souffre, des fois, c'est parce que c'est pas terminé. Vous savez, moi aussi, j'ai l'impression d'aller vers l'abattoir, puis je m'en fous. Vraiment, là, je m'en fous de plus en plus. J'ai hâte de voir l'abattoir. Je suis curieux. C'est une drôle de curiosité. C'est même pas une curiosité. J'ai trouvé très bien ce que tu as dit par rapport au nouveau nom grec du variant. Ah, ben de rien. Est-ce que les composants du vaccin ont pour fonction de freiner le contact avec l'esprit? Pas nécessairement, mais c'est possible que ça soit un résultat. Mais pas, ça serait pas juste l'esprit, là. Ça serait pour freiner un paquet de choses. De toute façon, vous savez, là, les composantes les plus importantes, là, c'est sous-scellé jusqu'en 2076. Donc, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ça veut dire que quand il y a quelque chose comme ça qu'on met sous scellé, c'est parce que ça causerait toute une cohue dans le public, si c'était su. Donc, il est où le consentement éclairé? Il est où? Est-ce que, bon, est-il possible de se faire de ces, de se défaire de ces programmations? Ben oui. Ben oui. Mais ça ne sera pas un mouvement qui est lié à un corps de désir. Ça ne sera pas non plus nécessairement un processus psychologique. Dans le sens, il y a du monde, ils vont faire de la thérapie pendant 30 ans, ils vont régler des choses au niveau psychologique. Mais quand on trouve une solution psychologique à des problèmes psychologiques, ça veut dire qu'on joue avec des contre-programmes. Donc, c'est limité, c'est très limité. Mais ça peut servir, c'est quand même bon. L'injection sépare des corps subtils apparemment. Ça, je pourrais pas dire parce que je l'ai pas eu. C'est bien possible, mais pas besoin. Il y en a qui sont bien. De toute façon, les corps subtils, c'est séparé parce que les plans, c'est séparé. Mais bon. Je dirais que c'est la sympathie fréquentielle puis la communication entre les corps qui. Vous avez dit l'autre jour que René Guénon avait mal fini, je ne trouve pas. Il a accompli ce qu'il avait à faire, il est mort en pieux musulman auprès de sa famille. C'est quoi une belle fin? Non, c'est pas une belle fin au sens. C'est une belle fin au sens, si on l'entend, au sens psychologique, expérimental, planétaire. Mais c'est pas évolutif. C'est pas évolutionnaire. Il s'est pas transfiguré. Il a perpétué quelque chose. Il a harmonisé quelque chose. Il l'a pas détruit pour passer à autre chose. Est-ce que ton pessimisme ne serait pas un mécanisme de compensation pour se protéger? Ben, ça serait le plus mauvais qui soit. Comment voulez-vous vous protéger par ça? Du pessimisme. Non, moi, ce que je veux, c'est un certain réalisme. Ça peut passer pour du pessimisme. Mais vous pouvez penser que ça va bien aller si vous voulez, puis on verra qui est protégé de quoi. Si on te vaccinait de force, cela te couperait-il ton contact avec l'esprit? Je sais pas. J'en ai aucune idée. De toute façon, si on essaie de me vacciner de force, je pense pas. Moi, ça me dit de pas m'inquiéter, puis que ça arrivera pas. C'est peut-être mon fameux pessimisme, ça, qui fait ça. Ils ont surtout peur que les individus s'éveillent en masse, d'où le contrôle des populations qu'ils mettent en place. Je le vois pas nécessairement comme ça. C'est de toute façon, c'était comme ça avant. Ça a toujours été comme ça, mais vraiment toujours. Ça n'a jamais été autrement. Prenons une personne qui a fusionné et qui meurt. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, je ne sais pas. Je sais juste que la personne ne retourne pas dans l'astral. Je sais aussi que il va y avoir une préservation de sa mémoire objective. N'est-ce pas le variant nu plutôt que mu? Non, c'était mu. Parce que nu, c'est pas une lettre. C'est pas une lettre de l'alphabet. Mais c'est comme vous voulez, mais moi, j'ai pas vu. À date, là, on habille de plus en plus les choses. Justement, le symbole occulte de l'arc-en-ciel, ton avis là-dessus. L'arc-en-ciel a tout le temps symbolisé une alliance. Parce que c'est un arc, les archétypes, et blablabla. Puis, dans l'Ancien Testament, il y a un arc-en-ciel qui apparaît quand Noé a fini son petit trajet. Pourquoi? Parce que c'est un symbole d'alliance avec les plans. L'arc-en-ciel, c'est une division de la lumière par niveau. Donc, ça symbolise les plans. Celui qui a découvert E égale MC2 au moment où il a découvert cette formule, a-t-il eu un contact? Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire parce que je suis pas certain que c'est celui à qui on attribue ça qui l'a découvert. Ça va pas bien ni mal aller. Ça va aller exactement comme ça doit aller. Ensuite, c'est sûr qu'on peut filtrer la réalité selon nos perceptions émotives, mais. Bon, ben, c'est comme moi, mettons que je vous attache à un pieu puis que je me mets à vous torcher avec, je vous mets à vous torturer avec une torche à acétylène, là, puis que je vous dis, vous êtes en train de vivre exactement ce que vous avez à vivre. Ça va aller comme ça doit aller. Ça va, tout va être parfait. Arrêtez de vous plaindre. Tout va parfaitement bien. C'est vous qui émotivez la situation. C'est vous qui engendrez la souffrance par votre système nerveux. Donc, vous voyez ça comme vous voulez, mais le fait est que s'il y a des choses inacceptables dans ce monde, c'est justement pour des raisons évolutives. Puis si on se met à dire tout va exactement comme ça doit aller, il n'y a pas d'évolution là-dedans. C'est un blocage, ça, puis c'est de la rationalisation psychologique. Comment le supramental, la conscience est née? Et comment est-ce qu'elle veut? Comment qu'elle veut? Pourquoi devenons-nous nous éveiller fatiguant ce jeu? Non. Ben non. Comment le supramental, la conscience est née? La conscience existait avant. C'est parce que ça dépend de quelle conscience on parle. La conscience, c'est pas psychologique, nécessairement. Qu'est-ce qu'elle veut? Là, au niveau d'une volonté, qu'est-ce qu'elle veut? C'est pas au niveau d'un désir, mais c'est l'évolutif. Je veux dire, le temps et l'espace doivent être conquis. C'est une forme de colonisation. Pourquoi devons-nous nous éveiller, ben, pour les mêmes lois de la vie en évolution, des mondes de la vie en évolution. Fatigant ce jeu, pas ben non, l'énergie qui part va se transférer ailleurs. C'est fatigant pour un ego vu par un ego en tant qu'ego. Quelle est la valeur des prophéties avec ce qui se passe aujourd'hui? Ben, il faut comprendre que l'être humain qui analyse depuis toujours, ça a tout le temps été le cas. Notamment si vous lisez l'Apocalypse. Il y a des choses là-dedans, c'est clairement de la canalisation, entre autres. Puis il y a peut-être possiblement eu même une sortie dans les terres du mystique là, qui s'était retiré à Patmos. Donc, quelle est la valeur des prophéties? C'est la valeur qu'on leur donne. Je veux dire, une valeur, c'est psychologique. Ça dépend de ce qu'on veut dire par. On pourrait dire, quelle est pas la valeur? La valeur n'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Quelle est la valeur des prophéties? C'est subjectif, la valeur. Quelle est la. Il y a un mot que je cherche, puis je n'arrive pas à l'avoir, qui irait mieux à la place. La validité. La validité des prophéties. Ce serait déjà mieux. Quel est le niveau de validité possible des prophéties? Mais ça, c'est au niveau des égos à travers leur expérience, au niveau de leur lien à l'information. Donc, ça reste expérimental, mais c'est clair qu'il y a une valeur expérimentale, entre guillemets. Donc, oui, quelle est la valeur? Ça dépend de l'ego qui perçoit l'acquis, là, en tout cas. Je crois qu'il compte sur le fait que les endormis resteront majoritaires. Ben oui, le fait de souffrir de l'éveil, ça, leur agenda, ça dure. Non, je pense pas. Moi, j'aime bien mieux souffrir d'un éveil que de souffrir expérimentalement dans un ego expérimental. Franchement, là. Ben, franchement, là. Puis en plus, ça, c'est des processus qu'ils comprennent pas. Donc, je crois qu'il compte sur le fait que les endormis resteront majoritaires. Ben oui, mais c'est tout vers ça que sinon ça ne marcherait pas. Ça ne fonctionnerait pas. La psychologie de masse, c'est fondé sur la masse, les lois de la masse. Vous savez ce que le bon appelait la psychologie des foules, entre autres. As-tu déjà lu de la fiction? En serais-tu encore capable? J'en ai pas lu beaucoup, puis je pense pas que ça fait plus de 15 ans que j'ai pas lu de fiction. Ben franchement, puis. Non, je trouve le ce qui est pas de la fiction est déjà bien assez, là. Des fois, je vais lire de la fiction par bribes ou je vais lire des analyses de la fiction pour voir par rapport à une étude du psychologique des gens. Parce que même les gens qui écrivent de la fiction, ils canalisent inconsciemment. Puis ils voient des choses inconsciemment. Puis il y a même un aspect écriture automatique inconscient chez les gens qui font de la fiction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. En tout cas, les parents des humains sont peut-être les humains encore moins individués. Ben, si il y a une incarnation dans le plan matériel, c'est justement pour qu'il y ait la création d'individus. Donc, la véracité, oui, c'est déjà oui, par rapport à valeur, là, moi. Puis même là, c'est lié à la véracité va être engendrée par. La plus ou moins objectivité ou subjectivité de l'ego qui perçoit ou qui analyse ou qui la prophétie. Donc, moi, à mes yeux, l'Apocalypse, c'est un texte qui est très réel. La vibration, je la trouve très haute. Mais si c'est perçu avec subjectivité, ça devient n'importe quoi. Donc, les prophéties sont là juste pour nous enligner. Dans des futurs servants, ce qui les infuse, car nous ne sommes pas chiches de créer nos propres destinées, à prendre conscience de la réalité. Oui, mais les prophéties, c'est lié au contexte collectif. Comme si vous prenez l'Apocalypse, là. Donc, c'est pas pareil, là. Il y a une dichotomie entre la destinée. Les prophéties ont une fonction plus qu'une valeur. Et voilà, oui. Ben oui, ça a une fonction. C'est un peu comme une carte très floue. Donc, vas-tu revenir dans le recyclage d'incarnation avec tout? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Puis ben franchement, je m'en fous. Ça m'importe peu. Est-ce que l'humanité va être protégée, rendue à un certain point? Ça dépend de quelle humanité on parle d'après moi, parce qu'il y en a une qui est désuète. Où ils vont attendre que tout le monde soit vacciné à mort. Quoi ça sert de détruire ainsi la population du monde entier? Ben oui, mais il y a trop de cochons dans la porcherie. Le fermier, il n'y a pas juste ça à faire, là, gérer. Ça gère mal quand il y a un surplus, là. Faut les comprendre, c'est entre autres technique. Puis il faut standardiser les porcs aussi. Un bon élevage, là, moderne, là, il faut standardiser les porcs. Charles Manson aurait été formé dans sa jeunesse pour être le premier écologiste modèle formaté dans les institutions telles. Et oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Savez-vous pourquoi? Parce que Charles Manson, c'est réellement une victime. Dans le sens que si vous. C'est comme comment ça se fait que sa secte, il vendait du LSD qui était synthétisé par la CIA, puis ça semblait faire partie des programmes pour rendre public, envoyer ça dans le public, les LSD, puis mettre ça à la mode. Puis aussi, cet homme-là a été dans des institutions plus longtemps dans sa vie qu'il a été à l'extérieur. Donc, puis il a participé à des expériences de psychologie aussi, entre autres. Puis comme c'était un fils de prostituée qui avait vécu beaucoup dans la rue, il a fait partie, comme vous dites, de toutes sortes de choses qui est supposément, méfiez-vous, là, c'est toujours aider les jeunes, là, désœuvrés, là, les instituts, là, qui cherchent à. Puis là, c'est rendu qu'on va ouvrir des centres de supervision, là, d'injection supervisée, là. On va légaliser les drogues. C'est pour aider. Parce que, vous voyez, là, il y a une extraordinaire hypocrisie là-dedans, mais je suis d'accord. Moi, pour moi, Charles Manson, c'est une marionnette qui a servi à faire une expérience. Puis, il y a quelque chose, tu sais, dans son histoire, là, le Helter Skelter, puis tout, là, il y a quelque chose qui est comme une anticipation des conflits qu'on voit aux États-Unis maintenant, par rapport à certaines émeutes que je n'aimerais pas, là, pour pas faire sauter la chaîne. Donc, wow, là, j'ai perdu des choses. C'est moi ou plusieurs personnes qui parlent du supramental sont incapables d'être présents à une conversation et ramènent tout à leur grille d'analyse. Ben oui, mais c'est le cas de tout le monde, ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait pas ça. Je veux dire, tout le monde a les référents qu'ils veulent. Mais ça dépend de quoi on parle. Ça dépend du sujet. De toute façon, Marco, si t'aimes pas ça, ce monde-là, viens pas nous faire chier, puis va-t'en de ton bord, va voir d'autres mondes, hein? C'est ça que t'as l'impression. Parce que moi, contrairement à d'autres, je vais pas être aussi diplomate que d'autres. Il faut gérer la porcherie, mais derrière ça, il y a les forces de la lumière qui laissent faire, comme si l'humanité n'avait pas tant de valeur. Ben oui, mais justement, si ce que je dis, moi, j'essaie de vous donner des petites clés de pourquoi c'est inhumain, pourquoi les forces qu'il y a derrière l'expérimental, que c'est pas humain, ces affaires-là, est-ce que c'est lié, comme M. Vachon dit, à ma grille subjective d'analyse? Parce que là, comment expliquez-vous ça, là? Les égos n'ont pas tant de valeur. Ça a une valeur expérimentale. Standardiser les porcs pour en faire quoi? Les manger, faire une brique de conserve, bla bla bla bla bla. Ben oui, mais t'as pas l'air de comprendre. T'as pas l'air de comprendre que c'est comme un élevage. Dans le sens que c'est qui a amené le terme de ressources humaines? Pourquoi est-ce que tout est divisé en castes sur notre planète? Est-ce qu'en Occident, il n'y aurait pas des castes? Sauf qu'au contraire de en Inde, on ne les voit pas. Il y en a qui sont au courant de ça, que oui, il y a des castes. Oui, il y a des standards. Au niveau de, c'est lié à ta génétique. C'est pas pour rien qu'il y a du monde, même s'ils sont bien brillants, ils vont être traités comme de la merde. Puis on va tout faire pour les empêcher de réussir. Parce qu'il y a des castes. Il y a des races dans la race, si on peut dire. Puis il y en a qui sont au courant de certaines choses que c'est pas dans le grand public. Mais ça, c'est pas ma grille de lecture. C'est une grille de lecture d'une gang qu'on est pris avec. Donc, pourquoi pour les manger? Ben, c'est parce qu'on est des serviteurs puis des esclaves. Pour faire fonctionner un palais, ça prend un gars qui lave le plancher, ça en prend un autre qui. C'est comme ça dans une grande maison, le personnel, ça prend une intendante, ça prend un majordome, ça prend une lingère, ça prend un jardinier, hein? Standardise les porcs, ben oui, c'est ça aussi. Bouddha, Jésus et Mohamed ont eu des propos et des actes qui ont fondé des civilisations. Leurs propos et leurs actes ont récupéré par l'involution, mais ils ont posé quelque chose de créatif. Je pense pas que on peut dire que Jésus est venu fonder une civilisation. Pas au même sens que comme le mouvement mahométan qui a fédéré des sociétés qui étaient tribales, entre autres, qui leur a donné. Mais Jésus, c'est autre chose, là. Il y a autre chose. On n'est plus dans de la civilisation, là. Ça touche beaucoup plus à l'individu, entre autres, qui s'ouvre sur sa civilisation, plus qu'une civilisation qui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les Arruda de ce monde sont-ils conscients de leur médiocrité? Ben oui, mais c'est des serviteurs. C'est des exécutants, là. Il faut pas confondre les exécutants avec. Eux aussi sont formatés, eux aussi se déportent. C'est comme des capots dans un camp de concentration. Les capots avaient des privilèges. On dirait qu'ils font tout pour ne pas que ça paraisse. Ben, moi, je trouve que ça paraît pas mal, là. En tout cas, s'ils font tout pour pas que ça paraisse, ça paraissait. Ils sont pas bons, là. Ils sont très mauvais, je veux dire. Ça paraît que c'est des exécutants. Ça paraît que c'est des employés. Prenez, je veux dire, ah oh non, c'est gros, là, ça paraît bien trop. Surtout Arruda, on voit que c'est des médiocres, ça paraît. Puis même, ça fait partie du jeu, ça fait partie du fait que quand on voit on est gouverné par des gens comme ça aide pas l'estime de soi des masses, hein. Quand il faut être respectueux puis obéir à des gens comme ça aide pas l'estime de soi des masses. C'est insultant à la limite, c'est humiliant. Prenez, mettons que vous voulez casser quelqu'un, là, vous allez l'humilier, vous allez le. C'est du cassage de masse par des petits capots. Donc, en fait, je trouve que tu te distingues des autres au niveau de ta présence. Parce que j'écoute pas beaucoup les autres. Ben, franchement, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, là. Mais, ben, les autres, il y a beaucoup de monde qui ont un certain souci de ce qu'on va penser d'eux. Moi, j'ai un certain orgueil, j'ai une certaine naïveté, dans le sens d'une certaine vanité psychologique. Mais dans le fin fond de moi-même, je m'en fous pas mal. Dans le sens que je m'accorde pas. J'essaie, moi, c'est d'être le plus direct possible. Essayer de aussi de pas trop penser, de pas trop subjectiver mon propre propos. En n'ayant pas à l'esprit justement des considérations comme ça, comment je vais être perçu. Parce que si je me mets à faire ça, je vais me bloquer. Je vais me bloquer, puis je risque de devenir plus. Sans vouloir parler contre lui, là, je trouvais que Marc de la Salle, il souciait un peu trop de ce que les gens pouvaient penser de lui, puis ça lui donnait une certaine rigidité. Puis bon. Mais pourtant, il y a canalisé des choses, j'aurais pas été capable de descendre ça, là. Donc, ça n'a rien à voir jusqu'à un certain point, mais je le sais que je vais être plus sympathique un peu que d'autres, alors que pourtant, en privé, je suis beaucoup plus antipathique que les gens pensent. Je suis pas le ben, en tout cas. Donc, en fait, bon, qu'est-ce que les Arruda, d'où vient ce terme? Ben, vous connaissez pas le docteur Horacio Arruda? Ben, c'est un terme qui vient du Portugal. Parce que c'est un Portugais, le docteur Arruda. C'est une sorte de tartelette. La mention d'Helter Skelter. Oui, tes propos pour faire sauter la chaîne. Ben, c'est sûr. Mais c'est tous des programmes de la CIA, là. Puis c'est récupéré dans le temps. Ça va après Paperclip et toutes les expériences qu'il y a eues, notamment, il y a eu des expériences dans le temps de l'Empire austro-hongrois, là, ça fait longtemps. C'est des sciences d'anglo-saxons, des gens germaniques, ça. Mais il y a des Latins, là, notamment les Jésuites, qui étaient bien calés là-dedans. Ceux qui ont étudié l'éducation des masses ou bien. Tous les gens qui théorisaient par rapport à l'instruction des enfants, entre autres. Tous ceux qui ont eu des écoles publiques, puis bon, il y a tout le temps des petites ombres derrière qui étudient certaines choses. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça te parle, la corrélation entre le coronavirus, la protéine Spike qui présente dans l'injection et le symbole? Non. Bon, je vois pas de lien. Ça peut être un lien au niveau d'une symbolique qu'on fait. Parce que, bon, ça donne qu'on peut faire des liens au niveau d'une symbolique. Mais je pense pas que ça aille de lien. Je serais très surpris. Ça m'avait jamais traversé l'esprit, pour être franc. C'est un peu le principe de l'initiation, l'humiliation pour casser l'ego. Ouais, mais c'est de l'initiation de marde, ça. Tu sais, là, comme la gang de cave là, qui arrive avec une chemise toute déchirée et un bandeau sous les yeux, là. Oh, que monsieur le cabochon reçoive la lumière. C'est des initiations collectives, ça, c'est de l'hostie de marde. C'est de l'initiation sociale, l'humiliation. Si c'est pour casser le social puis se rendre compte que c'est subjectif puis que ça draine de l'énergie au sens d'une individuation, là, OK. Mais. L'humiliation, là, pour casser l'ego, ça, c'est de l'ostinement. C'est pas en humiliant quelqu'un que c'est de l'unicité, c'est de la programmation, c'est du conditionnement, l'humiliation. À moins que ça soit pour démontrer à l'ego qu'il se voit lui-même et qu'il se rende compte du peu de valeur du fait qu'il est un animal socialisé puis que c'est pas réel. Ça, c'est correct. Mais là, ça, c'est des initiations qui ne seront pas faites par des humains à d'autres humains. Ça va être autre chose. Comment va le chat? Il est fatigant. Il est fatigant, puis son examen m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher de me faire dire qu'il y avait quatre pattes et une tête. Une sorte de tartelette, oui. Ça va devenir de plus en plus sport sur cette planète. Moi, sur le tout de jour, pas mal. Il y a un moment donné, je pense que c'est Sabourin qui avait dit, avant le Nazaréen, c'était la barbarie. Puis j'avais dit, franchement, OK, là, c'est plus la barbarie. Regardez là, le 20e siècle, à quel point se caractérise par sa violence, par une industrialisation de la guerre. Là, c'est plus la barbarie, là, depuis le Nazaréen. Ah, eh bien, moi, je trouve que c'est pire en pire, de pire en pire. Donc, Yéking égale science cybernétique des mouvements de l'énergie. Oui, notamment les vibrations, de la façon que prenez la cinétique, je pense que ça s'appelle quand vous faites vibrer des choses puis que ça prend des formes liées à la fréquence spécifique. C'est un peu lié à ça. L'élite cherche-t-elle à trier la masse sans cesse avec des tests après tests pour en retirer seulement ceux qui n'accrochent pas aux manipulations collectives, encore le concept de race supérieure? Ouais, c'est l'affaire de la race des seigneurs puis la race des serviteurs. Dans le sens que quand vous avez une grande maison, ben celui qui a des aptitudes au jardinage, vous ne l'envoyez pas faire le repassage. Donc, ça prend des tests d'aptitude, comme aux États-Unis, les tests d'aptitude, puis l'orienteur scolaire, puis tout ça, c'est de l'hostie de calice, de crise de conditionnement, puis de marde, puis aucun respect pour l'individu, ses capacités potentielles créatives là-dedans. C'est une mécanisation de la psychologie individuelle. Par la psychologie individuelle, c'est inacceptable. N'importe qui de conscient qui regarde ça, il va ressentir une certaine colère parce que c'est évident que ça va aboutir à... C'est du nivellement vers le bas. Ça ne peut pas faire autrement que d'aboutir à une civilisation inférieure qui, tranquillement, pas vite, épuise ses énergies, puis va finir par se dégrader au niveau de ses structures, puis de créer des êtres de plus en plus crétins, de moins en moins créatifs. C'est pour ça que ça peut pas tenir éternellement. La cybernétique appliquée au vivant, le vivant est une forme de cybernétique, mais il y a autre chose, puis autre chose, puis il y a les plans. Donc, ça peut pas marcher, donc ça va donner ce que ça donne. Donc, si on est trop... De cochon, pourquoi qu'ils n'ont pas lâché un vrai virus méchant? Parce qu'il faut jamais laisser une crise se perdre, il faut faire ça progressivement. Progressivement. De toute façon, il y a une mise en condition de certaines parties de la population, semble-t-il, avant ça. Dans le sens que on dirait qu'il y a un affaiblissement de certaines. Comme regardez, c'est étrange, hein, parce que les inoculations, entre autres, c'est surtout au niveau des pays industrialisés que ça a été le plus poussé, puis il y a des pays du tiers-monde qui est pauvre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est à se poser des questions au sens, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça aussi possiblement une espèce d'idéologie communiste de couper ce qui dépasse là, pour essayer de rattraper le tir plus tard, puis essayer de réégaliser ça. Puis est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui ont négocié le fait que certaines populations qui ont été qui n'ont pas été, disons, qui ont été peu favorisées dans le passé, que ça serait un petit peu leur tour d'être plus favorisées dans le futur, alors que les Occidentaux, entre autres, qui ont été très, très favorisés, ben là, il serait le temps comme si c'était des cultures qui prennent trop de place, puis il faut qu'il y ait moins d'individus pour que ça prenne moins de place, puis bon. C'est une forme de communisme, là, ce qu'on a à faire, là. De toute façon, communisme, c'est une forme de satanisme. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais Karl Marx on fait partie d'une secte qui était dirigée par une madame dont je nommerai pas le nom. En tout cas, il y a bien des affaires qu'on parle pas, puis c'est pas vrai que c'est athée, ces affaires-là. Au contraire, bon, ça ramasse les athées parce que c'est des idiots utiles. qui iront pas voir plus loin. Donc, en tout cas, t'as pas encore vu les réelles répercussions des injections. Il n'y a pas de point d'interrogation ou c'est une assertion, Sabrina B. Je ne sais pas ce que je voulais dire par ça. Moi, les gens que je connais qui l'ont eu, je vois pas vraiment de différence. Ils sont comme ils étaient. Je sais qu'il y a, bon, oui, il y en a des répercussions. Là. Je suis capable de regarder des tableaux. Puis, ça se voit. Ben oui, puis, bon, il commence à avoir des choses. C'est un petit peu... C'est un petit peu préoccupant, mais personne ne semble préoccupé, en tout cas dans les médias. Là. Le prix du vaccin pourrait justifier que les un tiers monde soient moins... Ben, non, je pense pas. Regardez, là, on a énormément de surplus. Juste Justin Trudeau, il a acheté assez de doses pour vacciner de 9 à 10 fois tout le monde. Puis aussi, c'est échu à un moment donné, c'est pas bon pendant 12 mois, là. Donc, probablement qu'on va en faire don généreusement à d'autres peuples. Bonjour, Josie. Guylaine, le socialiste communiste adore et idolâtré constamment dans les universités américaines. Ben oui. Ben oui, c'est de l'infiltration. Chose là, on a fait passer McCarthy et Nixon dans le temps pour des fous, puis Duplessis comme un paranoïaque parce qu'il voyait de l'infiltration comme une garde. Là. On l'a, là, le résultat. On voit là, ce que ça donne. Nos écoles ne valent pas de la crise de marde. Puis de plus en plus, on diplôme des imbéciles. Tout est... Puis c'est quelqu'un qui n'a pas de secondaire 5 qui vous dit ça. Tout étant géré par l'intelligence, je commence à me dire que les vaccinations auront en finalité le double effet de séparer les corps pour la plupart ainsi que de provoquer des initiations. Mais oui, mais bon. Oui, d'une certaine façon. Ça attaque ceux qui avaient déjà des défaillances. Oui. Ben oui, mais c'est d'une forme de darwinisme aussi. De la façon dont je le vois. Ils se prennent des scientifiques, eux autres. Là. Ça n'était pas pour toi, c'était pour le chat. Hein? Je ne sais pas quoi. Deleuze définissait la philosophie comme activité de création de concepts. Quand il écrivait un livre sur un philosophe, c'était tellement personnel qu'on disait que c'était du Deleuze. Ah. Deleuze, un supramental qui s'ignore, un supramental. C'est ça, au niveau de ça, puis moi je vois des précurseurs. J'ai toujours considéré qu'il y avait des précurseurs bien avant le fameux 1969, dans le sens qu'il fallait qu'il y avait des conditions de... Je vais devoir vous laisser bientôt parce qu'à 2 heures, je reçois de la visite. Bon, évolution génétique, physique et éthérique pour d'autres. Ou un physique ou éthérique. Ben, c'est de l'évolution, ça peut être sur différents plans, mais c'est ce que c'est de l'évolution évolutionnaire au sens évolutif du terme. Mais si c'est juste de passer de formes plus sophistiquées à des formes plus sophistiquées, est-ce que c'est... Parce que c'est un principe, hein, l'évolution, c'est pas nécessairement un état. Ça va être l'intelligence artificielle versus l'intelligence supramentale. Ben, si c'est ça, ça sera pas long, hein. Moi, j'arrive même pas à me faire comprendre de... Bon, l'intelligence artificielle, je la trouve pas très avancée. Mais c'en est de la cybernétique quand même. Non, pas du tout. Les grands sportifs, très atteints. Oui, oui, j'ai tout vu ça, monsieur. Ben oui, ça fait des crises de cœur en pleine game. Je l'ai vu. Ben oui, tout le monde le voit, mais il y a des gens qui regardent au lieu de voir. Donc, bon. Puis les médias n'en parlent pas. Attali a écrit en 87 où il dit qu'il faudra éliminer les vieux, les pas. Oui, je le sais, ça vient d'eux autres. On a affaire à des kabbalistes, en tout cas. La cybernétique vient de là, entre. La Floride, c'est un piège à con, un véritable bastion de résistance. Ouf. Bon, la Floride, vous savez, là. Les sportifs ont une alimentation trop limitée, du coup, on pas des... C'est surtout qu'ils font des efforts au niveau vasculaire. Puis c'est lié au vasculaire, vous savez, là, ce qui est l'inoculation. Puis là, ils sont en train de pondre des articles puis des nouvelles pour essayer de faire accroire que le sport est dangereux pour le cœur. Puis aussi que la pollution, les changements climatiques peuvent être causés des anomalies cardiaques et des crises cardiaques chez les jeunes. Donc, ils sont en train d'essayer de rationaliser les effets de ce qui... Bon, c'est assez gros comme un éléphant. C'est même plus gros qu'un éléphant. C'est pas mal plus gros qu'un éléphant. L'éléphant verrait ça, il sauverait. Pour la séparation des corps, comme Rudolf Steiner l'avait dit avec la vaccination qu'il a coupée. Ouf. Vous savez, les anthroposophes, moi, je les vois comme une... C'est un peu... Ça a été un petit peu une réponse à d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'on a affaire à des... J'allais dire quelque chose que je dirais pas. Il y a, des fois, vous savez, à travers des groupes d'un même genre, il va y avoir des divergences. Puis c'est pour ça que je suis pas un grand fan de Steiner, ni de d'autres écoles, là, comme comment il s'appelait le vendeur de tapis, là? Les Gurdjieffiens, là. Ni très, je veux dire. C'est des gens de la connaissance, dans le sens que sont. En tout cas, je ne veux pas tomber là-dedans, là, parce qu'il y en a qui ne seront pas contents. Puis je vais me faire. En tout cas, mais peut-être que j'ai tort aussi, c'est aussi ça. J'ai pas envie de me prononcer au sens d'une opinion. Des porcs se sont déjà échappés des porcheries et sont redevenus des sangliers. Ben, vous savez, si vous laissez une truie à l'extérieur et qu'elle est enceinte, elle va se fabriquer un petit nid pour mettre bas. Donc, il y a encore l'âme collective des porcs pour ce qu'ils sont en eux-mêmes en tant que collectif naturel sans besoin de l'être humain. Donc, ils ont tout ce qu'il faut, hein, comme... Oui, mais ils n'avaient pas les comorbidités que les personnes âgées pouvaient avoir. Ben oui, mais c'est fait, c'est pas fait pour tuer tant que ça des personnes âgées, à mes yeux, là. C'est surtout les jeunes hommes. Pourquoi? Parce que dans un conflit armé, ce sont les jeunes hommes qu'il faut neutraliser avant que ça arrive au niveau d'insurrection. Je sais pas si vous comprenez, là, ce que je veux dire. C'est surtout des jeunes hommes, là, qui meurent. De toute façon, les personnes âgées, c'est par inanition qu'on s'est débarrassé d'eux, en cessant de les nourrir, puis bon. C'est dégueulasse, ça m'écœure vraiment. En tout cas, on vient de voir. Bon. Les sportifs sont poussés à bout au niveau des performances physiques sans prendre en compte le système endoctriné. Mais écoutez, là, c'est pas le sport en lui-même qui fait qu'il y a une vague de décès, là. Sinon, là, c'est comme embarquer dans ce qui essaie de nous faire croire que le sport est mauvais pour le cœur. De toute façon, je suis d'accord avec vous que les sports, comment qu'il y a aujourd'hui au niveau de la performance, puis vu que c'est devenu une rentabilisation, dans le sens que c'est une industrie, je suis d'accord avec vous que ces gens-là, prenez un sportif de haut niveau, il va souffrir toute sa vie après sa retraite. Donc, mais faut pas tout. Sabrina voit ça comme des dommages collatéraux. Bon. Fréquence électromagnétique. Oui, ben c'est certain que. Bonsoir Rocha. Oui, ben, je ne sais pas il est où, là. Je l'entends plus. Donc, les décès de mon petit-fils ont eu lieu avant les vaccins. Il était en sport-études. Il n'a pas eu le COVID. Les résultats étaient aussi négatifs. Coroner, décès causé par cardiopathie congénitale. Ben, congénitale, ça voudrait dire qu'il y avait déjà une malformation au niveau des ventricules. Au niveau vasculaire, donc ça arrive. Oui, les jeunes qui auraient pu combattre, ben oui. Le virus a aussi pour but le contrôle social via un passe sanitaire. Ben oui, c'est évident. C'est de faire mille coups, d'une pierre mille coups, parce que c'est un plan d'une certaine complexité. C'est technique, c'est très technique. Séparer les jeunes hommes tactiques militaires, comme tu avais simplement dit, avec le repli stratégique du ben oui. Vous savez, là, par rapport à des insurrections à venir, c'est pas autant au point qu'ils voudraient, je veux dire, les machines, là, les fameuses machines. Donc, il y a encore des possibilités que, en tout cas, on verra bien, nous verrons bien. Ton petit-fils a été, vous voyez, bon, il pouvait parler à... Oui, il y avait... Bon. Donc, par rapport, vous savez, au niveau de caste, une caste privilégiée qui qui est composé d'une minorité de gens va toujours être très, très apeuré de de la masse sous elle. Le Maharaja n'est pas difficile à renverser, il suffit que tout le monde lui dise non en même temps à tous les niveaux. C'est pour ça que de temps en temps, il relâchait le tigre pour ensuite le remettre en cage, mais c'est par le psychologique que ce qui est en haut se maintient. C'est pour ça qu'on a fait des dessins où la pyramidion est séparée de la base. Il y a une frontière psychologique, ça, de la connaissance. La connaissance technique, la connaissance, c'est tout technique. C'est des techniques. Donc, on peut parler d'électrique et de magnétique longtemps, mais ça tourne en rond tout le temps. Ah oui, mais bon, c'est intéressant pareil. L'important, c'est est-ce qu'un sujet affine ou il y a un haussement vibratoire au niveau des corps des auditeurs ou de la personne qui parle. Moi, c'est ça que je regarde souvent. Donc, Michel Calabru, c'est une femme, elle parle de supraconscience et coaching. J'ai l'impression que supra est devenu une marche. Moi, oui, c'est ça. Ben, il y en a qui en vivent. C'est devenu un commerce. Je veux dire, c'est comme du développement personnel, là. Alors que le supramental est un ensemble de phénomènes. C'est un phénomène dans le sens que il s'agit de processus et de phénomènes. Pourtant, c'est devenu du développement personnel, là. Puis c'est devenu aussi c'est devenu ça. Donc, il y a des gens pour qui c'est un choix de carrière, alors que c'est un état et quelque part, c'est un phénomène. C'est un état. Puis, c'est pas, ça peut pas être un commerce, mais on fait du commerce avec tout. Pourtant, ça en est devenu. Selon toi, les personnes qui sont vaccinées sont-elles limitées? Je crois que toutes les personnes, absolument toutes, sont limitées. Dont moi. Donc, je vois pas pourquoi je ferais des. En tous les cas. Je suis ravi qu'il y ait eu une transcription du 11 novembre, car comme je l'ai écrit en mail, c'est une vidéo. Ah bon. Ah ben, merci à vous. Oui, ben, j'étais particulièrement. Il y a une partie où vraiment, là, ça roulait facilement. J'étais pas dans un état psychologique, puis c'était intermittent. J'ai eu deux phases où vraiment, là, j'étais. Eh ben, il est là, le phénomène. Qui va engendrer une parole comme ça. Donc, je voulais dire limité à cause des. Qui effectue la glande pinéale. Ben, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui sont tellement hauts en fréquence que même ça ne les affectera pas. Donc, c'est possiblement du cas par cas, même s'il doit y avoir une majorité qui vont être affectées. Donc, Ariane. Bileran, que c'est une personne d'origine perse, elle parle et défend les enfants, elle parle de manipulation dans la société, les entreprises, elle est docteur en psychopathologie. Alors, je savais qu'on pouvait être docteur en psychologie, que ça venait avec une connaissance de la psychopathologie, mais je pensais pas que maintenant c'était rendu spécifique à acte en psycho. Ok, vous voulez dire au niveau clinique, là, ok, là, je comprends. Oui, ben. Que voulez-vous? C'est le social, la société, comme ça. Charles Sabourin vient de sortir une vidéo. Ben, je n'étais pas au courant, c'est rare que je vais voir. Qu'est-ce qui a évolué pour toi dernièrement? Ben, je pourrais pas dire. Qu'est-ce qui a évolué pour moi dernièrement? Moi, je me trouve dans une petite phase de stase, un petit peu. Donc, ben, rien. Vraiment rien. Même cette semaine, j'ai été déçu au niveau de, ben, vous savez, c'est Thanksgiving aux États-Unis, puis là, la finance, ça bouge moins. Puis... Donc, bon, vous savez, comme ça, M. Sabourin a sorti une vidéo. Là, il parle encore, voir la programmation, puis être dans la pratique de l'observation active des programmes, puis je sais pas mal pareil depuis. Mais oui, tant que ça, c'est pas intégré, c'est intéressant quand même, là. Mais Il n'y a pas tort quand il parle de résistance, mais c'est une autre façon de parler des forces, certaines forces retardataires subjectives. Elle a dit, elle a fait un live avec David Lévesque. Ah, je n'ai pas remarqué. Ça doit faire un bout de temps, mais je ne me souviens pas de tout. Puis souvent, vous savez, ben oui, c'est pour replacer la dame, là. Elle a pris un pseudonyme pour faire un live avec David. Mais c'est comme David, des fois, il m'écrit des choses, puis il dit, ah, tu pourrais annoncer telle chose. Puis là, oui, puis là, mais j'ai une mémoire un peu défaillante, puis je suis tout le temps en train de faire plusieurs choses en même temps. Puis finalement, j'ai remarqué, j'accorde pas de l'importance au niveau social à tout ça. Donc, je suis pas au courant de grand-chose. Puis j'observe pas beaucoup ce qui se passe. Je m'en rends vraiment pas compte. Je suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas Facebook. J'ai pas. Donc, ça peut peut-être jouer un peu là, sur le fait que je vous donne un son de cloche qui est un peu à part, entre autres. Mais il y a ce qui était pour moi une des choses les plus importantes au niveau de l'intégration, c'est le fait au niveau de l'instruction que l'être humain est un anthropoïde sophistiqué et qu'il est socialisé au sens d'influence subjective, que ça fait partie des sociétés puis de son éducation. Donc, jusqu'à un certain point, c'est peut-être là où je deviens un peu autre chose, là. Mais ça, dernièrement, oui, c'est ça qui a évolué, moi, dans les 10 dernières années. Parle très bien des mécanismes de manipulation de masse avec une approche pas commune, avec beaucoup de bon sens. Ah, c'est certainement intéressant. Elle s'en va dans une voie différente. Mais là, vous savez, voie avec un X, c'est comme la voie, puis là, il faudrait l'écrire autrement. Tu accordes de l'importance sur ton centre. Ben, pas vraiment. Je pense que moins on accorde de l'importance, plus on est centré. Donc, ça dépend ce que vous voulez dire par ça. Michel Rousseau, il a fait un film, Vortex, L'aube de la souveraineté. C'est intéressant à voir. C'est pas les histoires de citoyens souverains, ça là. Comme la gang à Diaz-Guis, là, je me souviens de qui je suis. On sait même pas ce qu'on est, on sait pas que ce que je suis, mais on va se mettre à penser que le je est une identité réelle. Puis bon, ça devient. C'est ça l'âme. Puis ça, c'est limité, puis même pas besoin d'injection. La molécule luciférase qui active la bioluminescence, as-tu une idée de pourquoi c'est dans le vaccin? Ben, possiblement qu'au niveau d'une technologie, ça va être encore mieux que par rapport à la vue. Vous savez, au niveau biométrique, maintenant nous avons des caméras que nous pouvons voir les silhouettes émises par la chaleur. Entre autres, ça fait longtemps que ça existe. Mais là, grâce à ça, là, cette petite molécule, possiblement qu'on va pouvoir même maintenant identifier qui est qui au sens d'une biométrie parfaite. Donc, non seulement sur ces caméras-là qui peuvent voir à travers des murs et même des bunkers, vous allez voir des silhouettes, mais en plus, vous allez pouvoir savoir c'est quoi le nom de la personne, avoir son dossier qui apparaît en parallèle. C'est ça de la technologie. En tout cas, je vais devoir vous laisser dans 3 minutes. Donc, parfaitement neutre, tes lèvres. Bon, ben merci. C'est sûrement pas parfaitement neutre. Que penses-tu de la franc-maçonnerie? Je pense que c'est les clubs écoles. Mais d'une certaine façon, au niveau d'exécutants, très bon. Je pense que c'est de la marde. Pas dans le sens que c'est pas vrai, mais dans le sens que vous pensez. Bonjour. Est-ce que les lois du vaudou sont uniquement de l'astral, bien qu'il n'y aurait plus de ça? Ce sont des incarnations de principes au niveau égrégoriel d'une mécanique. Un peu comme les orishas en Amérique du Sud. Depuis, vous savez, là, c'est au niveau d'une magie, on va se servir d'égrégores liés à l'âme collective, à des incarnations archétypales de principes. Donc, si vous prenez je sais pas moi, Herzuli-Zuro, je vous enverrai là un archétype, un sous-archétype de Herzuli. Après Herzuli des mandibules, Herzuli les bras secs. Et ça va presque à l'infini, justement, parce que c'est lié à une mécanique égrégorielle. Mais là, on tombe dans des choses. On n'est pas supposé parler d'affaires comme ça au public. Il y a des madames à Montréal qui ne vous seront pas contentes si je vais parler de ça. Donc, mais oui, il y a autre chose, oui, dans le sens qu'après, il y a des autorités au-delà de ça qui nous regardent aller. Donc, les tests PCR, ça t'a dit quoi? C'est dangereux selon toi? Je pense que ça dépend pour qui. Mais bon, mais là, je vais bientôt mettre fin. La dernière vidéo de. Vous avez mis une chemise noire, c'est pas une critique, mais ça n'a rien à voir, c'est pas une chemise noire, c'est une chemise grise. C'est à cause de l'éclairage. Donc, ben moi, je m'habille souvent en noir, vous savez. Donc, moi, oui, c'est bien quand je suis habillé, des fois, coloré. Mais la couleur que je préfère, c'est le vert, mais c'est une vibration, des fois, nocive. Ça dépend des jours. Selon ton ressenti, comment la crise sanitaire pourrait se résoudre? Un peu ça, je ne sais pas. Ben, selon mon ressenti, c'est que je vais me mettre à faire des scénarios. Puis, bon. Je vais vraiment devoir laisser. Là, j'ai des gens qui sont ici. Connaissez-vous les modèles cosmologiques Janus de Jean-Pierre Petit? Qu'en pensez-vous? Jean-Pierre Petit, ça me dit quelque chose. Je sais que je le connais, mais c'est ma mémoire. C'est pas un ufologue, ça. C'est franchement un détail, ça. Ben oui, rien à voir avec la. Bon. Bonsoir, avez-vous des informations sur Nibiru? Non. Hey, ça fait. Elle est rendue tellement proche, là, selon les choses, là, qu'elle devrait avoir touché terre. Mais non, je n'ai pas d'informations sur des choses. Vous savez, ça, c'est une partie que j'ai. Il y a beaucoup de choses, des mouvances comme ça que je considère être des égarements. Nibiru, vous voulez que je parle au niveau de la cosmogonie, des vieilles mythologies, parce qu'à mes yeux, c'est pas une réalité très proche, là. Moi, je vois ta chemise couleur bleue. Ben oui, tu peux t'habiller comme. Ben oui, j'espère. Donc. Oui, c'est un niveau. Ouais, je pense, je sais c'est qui. Son affaire de Janus, vous parlez. Moi, je pense que j'ai vu ça, mais il aurait fallu que j'aie de l'intérêt et que je m'y attarde pour savoir ce que j'en pense. Donc, je vais vous souhaiter un bon après-midi, puis une bonne soirée pour les gens en Europe, puis une bonne nuit pour ceux qui sont ailleurs, un bon matin même peut-être. Il y a tellement de gens de partout. Donc, je ne sais pas quand je vais refaire un live, je ne le sais jamais. Donc, à plus, Salomon. Ah, comme le roi Shlomo. Bon, ben, au revoir.